tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le Sentiment Océanique, une série d'Aline Pénito réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Au départ de cette série, il y a 50 jours confinés, l'envie de vous emmener vers le large et cette mystérieuse attraction pour la mer formulée par Romain Rolland. Il y a aussi ces traversées au long cours et la sensation de se perdre dans l'immensité. Alors pour commencer, les personnages. Une navigatrice solitaire qui veut se perdre, une autre qui a fait le tour du monde, une ouvrière de la mer et une médecin de bord. Ensuite, le décor. Un livre des courants, un détachement, un entraînement, l'Orient, une collision, une mise à l'eau, le grand large, l'horizon, l'ivresse de la vitesse, le vent, la stratégie, une cabane, l'Alaska, le crabe, la noyade, la délivrance de l'arrivée et des retours difficiles. Aujourd'hui, deuxième épisode, on a ouvert une porte. Et bien là, en fait, on est dans un hangar dans lequel un monocoque de 60 pieds est en train d'être réparé suite à une avarie qui a eu lieu au départ de la Transat Jacques Vabre. Il s'agit du bateau MACSF, un bateau qui prépare le Vendée Globe, avec moi, Isabelle Yoschke, pour skipper. Et alors, 60 pieds, c'est... 60 pieds, ça fait un peu moins de 19 mètres. Et là, il y a combien de personnes qui travaillent ? Alors là, juste maintenant, il y a 5, 6 personnes qui travaillent. Il y en a un qui sort par la trappe de survie. Il y en a un sur le roof, c'est-à-dire sur l'espèce de toit qui protège l'espace de manœuvre. Et il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur le pont, sur les appendices, ce qu'on appelle des foils, qui sont comme des ailes d'avion, en fait, qui permettent au bateau d'aller très très vite. Donc il y a Adrien qui est en train de travailler dessus. Et puis là, il y a encore une personne, Florian, qui sort de la trappe de survie. Donc ils sont deux à être sortis. Et Morgane qui sort d'un petit trou aussi, un trou de souris. Elle est grande comme une souris, Morgane. Et en fait, elle est en train de travailler dans un petit espace qui est un ballast, en fait. Un espace qu'on remplit d'eau pour redresser le bateau dans certaines conditions. Et en fait, Morgane est en train de travailler dedans pour modifier la taille du ballast. Ne faire qu'un avec le grand large. Chaque automne, je ressens le même appel marin. Pour les navigateurs au large, c'est le moment des alizés, c'est le moment des grands départs. Là, moi, je reste à terre et je suis en manque de récits. La littérature maritime en général m'ennuie profondément. Il y est question de voyages initiatiques ou de grands moments de bravoure. Mais alors que j'ouvre le livre Le Grand Marin de Catherine Poulain, un vertige m'envahit. Il commence par « Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska ». Il est vrai que ce livre convoque des désirs puissants, des désirs d'océan et de navigation dans le Grand Nord. Mais il fait aussi ressurgir une sensation illimitée, un lien absolu, appelé « sentiment océanique » par Romain Rolland il y a bien longtemps. Plus récemment, le philosophe Yves Vaillancourt parle ainsi de cette expérience rare et brève. C'est comme si les frontières entre le « moi » et le monde s'évanouissaient au profit d'un sentiment d'unité, de compréhension, de conscience élargie. L'universalité, mais à l'échelle du cosmos. Mon premier sentiment océanique, je m'en rappelle très bien. J'ai 20 ans, j'aide une famille à convoyer un voilier de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà 10 jours que nous sommes au large, la mer est calme et les alizés établis. Je m'adosse au mât et mon corps s'échappe du bateau. Survient alors un corps à corps avec les courants et le monde tout entier. Quelque chose qu'il est bien compliqué de raconter une fois revenu à terre. Je me dis alors qu'il serait bon d'aller tendre le micro, d'aller écouter de grands marins. Isabelle Yoschke, navigatrice en pleine préparation pour le Vendée Globe, nous emmène avec un autre grand marin, Alain Gauthier, dans un entraînement d'hiver au large de l'Orient. En douceur. Ok, on est parti. C'est parti. Ouais. On va lever doucement. voir comment il réagit. C'est parti. Voilà, donc là, le plus délicat, c'est de sortir du berre sans frotter avec la quille. Donc là, pour le bruitier, c'est... et puis pour nous qui tenons, c'est assez important d'être concentré et qu'il n'y ait pas trop de vent. Donc là, ça tombe bien. C'est bon, Eric. Ah, c'est une bébête, hein, quand même. Là, ça avance trop. Ouais, il monte. Là, il s'envole. Hein. Reculez un peu, on recule. C'est son premier envol. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce bateau? Ok, on peut faire tourner. Il s'est passé que nous avons pris le départ de la Transat Jacques Vabre avec mon coéquipier, Morgan Lagravière et moi. Et 2 heures après le départ, au moment de contourner la dernière bouée avant de prendre le large, on est allé un peu trop près de la côte et là on a tapé un caillou. Pas très violemment avec la quille, mais suffisamment violemment finalement pour que l'ancrage de la quille dans la coque soit abîmé, fortement abîmé. Et ça nous impose d'arrêter la course, de rentrer à Lorient et de mettre le bateau en chantier. C'est comme si ça résonnait dans sa propre colonne vertébrale. C'est un truc... Waouh, ça fait vraiment mal dans soi. Tu aurais dit comme ça, Marine. Voilà, il flotte, c'est la première étape. C'est la plus importante. Et la deuxième, c'est faire tenir le mât. Okay. Eric, on est d'accord que tu veux amener le mât sur tribord ? Vous n'êtes pas une côtière, moi. Je suis pas une côtière. Moi, je suis une fille du large. J'ai choisi de devenir skipper pour aller en mer, pour passer de longues nuits en mer, et puis vraiment me perdre dans l'océan, et que ça dure longtemps. Je crois que vraiment, ça, c'est un truc que j'adore. Ok, Daniel, super. Bon, c'est un bon début. Ouais, super. Ouais, top. Top. Et on est prêt à partir. C'est émouvant, un bateau qu'on met à l'eau. Ouais, c'est toujours émouvant. Il y a toujours une histoire en fait, une histoire avant, une histoire après. Et puis en fait, comme on a laissé le bateau en mode départ transat, les voiles sont quasi à poste et ça va être super rapide de le mettre en route. Pour échapper vers devant. T'as le foil derrière toi. À demain, Marine. Quand est-ce que ça commence, le grand large? Pour moi, le grand large, ça commence le premier matin d'une course ou d'une navigation. C'est au moment du premier lever du jour, premier lever de soleil. Tout simplement parce que on a eu toute une nuit de navigation et en général, on voit plus les côtes. Voilà, une nuit, c'est une belle transition aussi, parce qu'on voit rien, on s'éloigne tout doucement. Et puis, c'est un nouveau départ, quoi, le jour qui se lève sur l'océan. C'est ça pour moi le début. Snorkel là, donc on remplit ça, on roule Jenac, on tombe Jenac, on déroule J3, l'arbalète elle est bien et on part au prêt. Il n'y avait rien d'autre à checker. Ah oui, on fera l'hydro, je vais mettre l'hydro. Ah, bah, je vais peut-être pas le mettre comme ça, je vais le mettre après. Alors là, faut se tenir, hein. Là, ça risque de mouiller un peu aussi. Pour pour moi, en mer, au large, il y a tout qui change. Il y a tout. Déjà, il y a la notion du temps. Moi, j'arrive pas à compter les jours. Même si c'est que 4 jours, j'arrive plus à compter. Au bout de 2 jours, je ne sais plus. Il y a quelque chose, voilà, comme quelque chose qui se détend, quoi. Au niveau de l'espace, bien sûr, puisque on est entouré de l'horizon et tout ce qu'on voit, c'est des vagues. De temps en temps, on voit des dauphins. Exceptionnellement, on peut croiser des baleines. Quelques oiseaux, c'est assez rare. Et puis après, il y a, voilà, il y a les vagues, il y a les nuages dans le ciel. Et c'est que ça. Et en fait, il y a, pour moi, il y a quelque chose qui s'élargit complètement et qui fait que les repères qu'on a à terre sont assez difficiles à garder, en fait. En tout cas, moi, quand je suis en mer, je sais que je suis complètement paumée de ce point de vue-là. J'ai besoin d'avoir une montre pas loin, parce que sinon, je... Même si je vois bien le soleil quand il est au zénith. Mais il y a vraiment quelque chose en moi qui s'en fout. Parmi les grands marins, Isabelle Autissier. En 1991, j'apprends d'abord par la radio qu'elle est la première femme à réussir le tour du monde en course. Je me rappelle avoir attendu plusieurs jours avant de trouver une photo d'elle et d'être fascinée par ses yeux translucides de celles et ceux qui ont beaucoup scruté la ligne d'horizon. Aujourd'hui, autrice de L'Amande Patagonie, de Soudain Seul, de Seule la mer s'en souviendra, elle parle d'une expérience de 50 ans de navigation. Quand est-ce que ça commence, le grand large ? Ça commence dans la tête. Ça commence à partir du moment où, depuis le bord, on regarde le large, qu'on voit la ligne d'horizon et qu'on se demande ce qu'il y a derrière. Et qu'on commence à avoir envie d'aller voir. Donc c'est le grand large de la tête parce que c'est le grand large de l'imaginaire, c'est le grand large où on s'autorise tout, a priori, au début. Après, il faut un peu restreindre et préciser les choses, mais enfin... voilà, moi, ça correspond par exemple à des souvenirs de petite fille où je me dis, quand je serai grande, j'irai sur la mer. Quand je serai grande, j'irai voir ailleurs, de l'autre côté, là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dimensions, des repères qui s'élargissent, qui changent. Quand vous arrivez en avion quelque part, boum, vous atterrissez, ça y est, vous êtes ailleurs, quoi. Dans le bateau et dans l'approche par la mer, il y a tout un gradient. D'abord, il y a l'attente. Du moment où vous allez voir quelque chose, puisque des fois vous passez des jours, voire des semaines en mer pour arriver quelque part. Donc il y a tout ce rêve, cette attente, cet imaginaire, cette construction aussi pour faire attention où est-ce qu'on navigue. Et puis voilà, à un moment donné, ça commence à se dessiner. Et ça, c'est à la fois poétique, à la fois... ça vous renseigne déjà sur plein de choses. Et puis après arrivent les odeurs, et puis arrivent les bruits éventuellement, et le ressac ou... que sais-je, bruit du vent contre la montagne, voilà. Donc tout ça, ça se construit petit à petit. Là, vous parlez déjà d'une arrivée. Oui, parce que les marins sont en mer pour arriver quelque part. Moi, je ne connais pas de marin qui reste en mer. D'ailleurs, s'il restait en mer, il mourrait à la fin, mais ce ne serait pas... la mer est une traversée. Ça peut se vivre au présent, bien sûr, puisque je suis en mer à un moment donné, donc il y a... l'environnement marin, l'horizon à 360, les couleurs, les odeurs, les animaux qu'on peut croiser parfois, tout ça. Mais oui, de toute façon, le marin est quand même là pour arriver quelque part. On est pas mal, hein ? Tu pars au lof, tu remontes au vent, et après il est sur la tranche. Après, tu peux rester, t'as la barre dans le coin, ça peut durer des heures, si tu choques pas. Ah non, mais je te promets, puis comme t'entends rien, mais des fois, tu te rends même pas compte que t'as la barre dans le coin, alors t'as perdu 5 nœuds, mais le bateau, il avance quand même, et il bourrine, et il faut le faire repartir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'angle de barre pas loin, le capteur, notamment quand je dors, pouvoir regarder. Il n'a pas 20 degrés de barre. Parce que des fois, au reaching, tu pars au tas, mais sans trop t'en rendre compte. Là, on s'en est rendu compte. Mais des fois, c'est un peu hop, hop, hop. À 35 degrés de gîte, qui partent au tas, c'est normal. À partir de 30 degrés de gîte, c'est le début de la fin. Alors le chemin, la route, la voie, c'est aussi très important. Bah, c'est uniquement ça, la navigation. Faut que je me la fasse, ma route. Et je me la fais en construisant dans ma tête, justement, les conditions qui vont attendre dans 2 heures, dans 6 heures, dans 1 jour, dans 3 jours. On va rarement au-delà de 3 jours parce que la météo, les éléments, on va dire, de météo qu'on a sont pas très fiables. Pas assez fiables, en tout cas, pour aller beaucoup plus loin. Et puis après, je reste au présent en permanence, c'est-à-dire que je regarde les nuages qui passent, je regarde la couleur de l'eau qui change, je regarde la forme des vagues qui évoluent, je regarde comment va mon bateau là-dedans, et tout ça, c'est un continuum, quoi. Et donc, je gère le présent, avec un petit œil sur l'avenir, mais je gère le présent en permanence. Et puis, une construction aussi qui est due à la fois à mon expérience et à celle des autres, quand je la lis ou quand je l'écoute, qui est que bah, dans la Lysée, en général, ça se passe comme ci, comme ça, que dans les 40e Sud, ça se passe comme ci, comme ça. Donc en termes de coureurs au large, on appelle ça se faire des roadbooks. On sait très bien qu'on passe d'un système météo à l'autre, on passe d'un endroit de maritime à un autre, et on sait globalement un peu le type de conditions auxquelles on va s'attendre. Et ce qui permet de se préparer, de préparer son bateau, et d'être au mieux pour que tout se passe bien. Est-ce qu'il y a une route ? Il y a plein de routes et il y a une route. En fait, surtout qu'on fait de la course et de la compétition. Donc, il faut s'imaginer, il y a forcément la meilleure route, la route idéale. Nous, on la visualise sur l'ordinateur, c'est notre trace. Et après une course, on regarde si on a fait une bonne course quand on regarde notre trace. Alors qu'en fait, sur l'horizon, la route, ça veut rien dire. Des fois, je fais du sud alors que la route finale, c'est l'ouest. Ça arrive d'ailleurs très souvent. Finalement, on voit rien, tous les paramètres sont invisibles. Et pourtant, il y a une route qui est meilleure que les autres. Et c'est vrai que pour nous, c'est un enjeu très très important. Surtout quand on est une femme, qu'on est un petit gabarit et que c'est plus difficile de manœuvrer. Parce que du coup, ça veut dire que de mon côté, c'est pas sur l'enchaînement des manœuvres que je vais réussir à aller plus vite que mes concurrents. Donc moi, j'ai vraiment besoin de pas trop me rater sur la route, c'est clair. C'est bon, tout le monde se tient. Ça tient. Ça tombe bien. Parce que quand on va vite, ça aspire assez vite. Donc, on est où? Alors là, on est à l'ouest de Groix. Pile à l'ouest de Groix. On fait un bord, on tire un bord vers le large, donc cap quasiment plein sud. Mais on va pas durer, on va pas rester longtemps là-dessus parce qu'on est à 8000 de l'Orient à peu près. Et comme on s'est dit qu'on rentrerait pas trop tard, et ben on va rouler le Jenaker, le ranger et après on va repartir au pré pour remonter vers l'Orient. Et on est aussi dans le cœur du bateau. Et là, voilà, là on est vraiment au milieu du bateau. On est juste au-dessus de la quille, quasiment, au poste de table à cartes. Et c'est un endroit où je passe beaucoup de temps, parce que c'est là que je fais ma stratégie, etc. C'est là aussi que je peux communiquer avec la Terre. Ouais, y a vraiment plein de choses qui se passent là. Et puis d'ici, on peut aussi sortir très vite pour manœuvrer sur le pont s'il y a besoin. Ce qui arrive tout le temps. Il faut tout le temps pouvoir sauter sur le pont. Quand on est dedans, même si on enlève son ciré, il faut garder les bottes aux pieds. Est-ce qu'il y a un moment où on a l'impression de faire corps avec le bateau, avec le réglage des voiles, avec les courants, avec l'instant où on est avec sa position, peut-être d'en décoller? Moment très uni. Ah ouais. Il y a une fois en particulier qui m'a laissé un souvenir vraiment fort. C'est la Transat anglaise en 2016, il y a 4 ans. Je suis en train de contourner une dépression très creuse par le nord. Et le vent souffle assez fort, à 30-35 nœuds. Et puis moi, je navigue avec mon petit spi. Moi, je suis dans le cockpit. Je suis le bateau, il navigue sous pilote. Je fais confiance à mon pilote. Et moi, je suis tout près du winch avec l'écoute. Parce que je sais que si ça commence à partir en sucette, il faut choquer l'écoute. C'est le premier truc à faire. Et en fait, je sais que si ça se passe mal, pour moi, ça va être très, très compliqué de récupérer le spi, etc. Je sais que si le bateau part au tas, franchement, c'est pas gagné. Et en même temps, j'ai confiance. Je sens que le bateau, il va très vite, mais qu'il est sur sa route, que ça se passe bien. Et je passe mon temps à me dire, bon, si le vent prend encore deux nœuds, je vais affaler le spi. Et puis à chaque fois, bah, le vent il prend encore deux nœuds et je me dis, bon, je vais remonter la limite encore de deux nœuds. Et en fait, je suis dans une joie profonde, je ris de me voir comme ça, moi qui suis plutôt une trouillarde. Et là, je me dis, mais c'est incroyable, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es à fond. Et puis voilà, et à un moment donné, je me dis, bon, restons quand même sérieux, donc je vais affaler le spi. Et au moment où j'affale le spi, c'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de vent, parce que l'affalage est très difficile, même avec la chaussette. Je manque de partir avec le spi, et là je me dis, waouh, t'es allé loin. Et voilà, et le souvenir que j'en garde, c'est ça, c'est d'avoir trouvé ça drôle, d'avoir... Et là, ouais, je mets la musique, fort. Voilà, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que ça casse les oreilles, et puis... Voilà, il y a le bateau, il y a l'océan, etc. Mais ces quelques moments de parenthèse, ça donne quand même la pêche. D'abattre pour les manœuvres chez les mecs. Mais on était au reaching quoi. Moi fondamentalement je préfère le solitaire. Mais ça je le sais depuis le début. En fait, avant même de me lancer dans la mini transat, j'ai l'occasion de faire des convoyages en solitaire de bateaux pour des boîtes de loc. Et la première fois que j'ai fait ça, je crois que c'est là que j'ai eu le déclic, j'ai compris. Je savais que j'étais une solitaire, parce que ça, c'est moi. Mais j'ai vraiment compris de quoi j'avais rêvé pendant toute mon enfance. C'était vraiment ça, c'était d'être seule. Seule, avec juste l'horizon autour de moi. Et pour moi, c'est clair, c'est pas pareil. Naviguer en équipage, c'est génial, parce qu'il y a beaucoup de partage, parce que c'est plus confortable quand même. Mais naviguer en solitaire, c'est magique. C'est juste magique. Il n'y a pas, d'autre mot. Mais j'ai même envie de dire, il y a tellement de compagnons. Une dépression, un anticyclone, tout ça, ce sont des compagnons. Parce que c'est là-dessus que je m'appuie pour faire ma stratégie. Moi, il ne faut pas oublier, hein, je vis un jeu de stratégie en permanence. Et donc, tout ce qui m'entoure, que ce soit visible ou invisible, parce qu'une dépression, c'est pas vraiment visible, à part au barreau et puis dans les nuages, mais en fait, c'est un compagnon, parce que c'est comment je vais contourner la dépression pour être le plus vite possible de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, c'est vrai que comme il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde, et ben, on se contente de peu, et du coup, moi, j'ai l'impression d'être à l'écoute, en fait. Et en fait, moi j'ai remarqué, c'est vraiment ça que je vais chercher. J'ai l'impression, quand je pars en mer, que je vais dans une autre dimension. C'est comme si j'étais plus... D'ailleurs, je suis plus sur Terre, mais plus sur Terre dans le sens plus sur la planète Terre. Je crois qu'il n'y a vraiment que en mer que je peux ressentir ça. Ce truc où je me dis, partout ailleurs, il y a de la vie, il y a des gens qui sont au travail, il y a d'autres gens qui sont en train de dormir, il se passe tout un tas de trucs. Et en fait, moi, je suis là, je suis toute seule, avec les vagues, avec les embruns, avec le vent, avec le soleil, avec la pluie, et mon bateau, et c'est tout. Culturellement, en France, on est un pays de l'exploit solitaire. Enfin, ceux qui sont au pinacle, ce sont des solitaires. C'est Tabarly, c'est Moët-Essier, c'est des gens qui naviguent tout seuls. Quand on va chez les Anglo-Saxons, c'est le contraire, quoi. Et c'est des gens du team. Donc on n'a pas du tout les mêmes réflexes culturels. Après, je suis assez autonome, j'aime bien faire mes plans, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, j'aime bien m'investir dans les choses à fond, et le solitaire, évidemment, permet ça. Il y a aussi, et c'est une bonne nouvelle, le fait que je suis une femme. Et comme je suis une femme, c'est difficile de trouver une place dans un équipage. C'est beaucoup plus facile de partir en me disant, ben voilà, moi je pars toute seule et puis je fais ce que j'ai envie de faire et puis on verra après. D'ailleurs, toutes les grandes navigatrices que vous connaissez aujourd'hui, ce sont toutes des solitaires, c'est pas un hasard. Et puis après, il y a cette envie de l'expérience du solitaire, comme vous pourriez aller décider de, je sais pas, d'aller gravir une montagne toute seule et de, qui est une expérience d'immersion, qui est une expérience de, forcément intérieure, qui est une expérience qui, alors évidemment, on sait pas très bien avant de la faire, mais au total, qui est quand même une expérience qui vous recentre sur l'être humain sur la Terre. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous êtes toute seule, avec la mer à 360, la nuit avec les étoiles et le sentiment du cosmos, et puis que voilà, vous, tout d'un coup, vous dites que vous êtes un petit humain et que tout ça est bien étrange et à la fois passionnant. Mais je crois que ça se ressent plus en solitaire, parce qu'en solitaire, on porte 100% de l'humanité avec soi. Donc voilà, ça participe quand même d'un sentiment assez fort. C'est drôle, l'océan, soit on l'a fantasmé, donc on lui a donné une personnalité, Neptune, Yemanja, machin, on a écrit des tas de poèmes très beaux d'ailleurs, hein, on a fait des tas de choses comme ça, très fantasmées, soit on l'a pris pour un objet, c'est-à-dire on y fait naviguer nos bateaux, c'est une poubelle commode, c'est éventuellement maintenant un objet qui peut nous fabriquer de l'énergie, Et petit à petit, quand même, on s'aperçoit que l'océan, d'abord, il est là, quoi. Il n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin de nous. Et que la vie océanique, d'abord, on ne la connaît absolument pas. On ne connaît pas 10% des espèces. On a cartographié, je pense, moins de 5% des grands fonds. On a dû mieux cartographier la Lune que les grands fonds. Et puis, je pense que la deuxième chose qu'on s'est rendu compte sur l'océan, c'est qu'il n'était pas si grand que ça. On parle toujours de l'infini et tout ça, mais ça, c'est du blabla. On a une petite planète qui a une forme précise. On a un océan où on pourrait, si on était vraiment affûté, compter le nombre de litres d'eau qu'il y a dedans. Enfin, voilà, on est sur un truc très fini. Mais tout ça, moi, je pense profondément que c'est un hasard. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté quelconque, quelque part, dans l'univers. Après, j'en veux pas du tout aux gens qui le pensent, mais moi, je ne le pense pas. Donc, partant de là, je pense que c'est fragile et que ça peut très bien ne plus exister. Auquel cas, enfin, moi, j'ai toujours dit, hein, ce n'est pas la planète que je défends, c'est la qualité de la vie des humains qui sont dessus. Donc, après, parce que c'est ça qui va nous arriver. Encore une fois, la Terre, la mer, pas du tout besoin des hommes. Mais alors, ils ont existé des milliards d'années sans nous et continueraient d'exister ou pas, d'ailleurs. Pour une raison que j'ignore, ou je sais pas quoi, l'océan pourrait, s'évaporer complètement, j'en sais rien, mais je pense pas. Et puis, dans quelques milliards d'années, le Soleil va grossir et puis va absorber la Terre, donc la Terre n'existera plus. Bon, so what, quoi. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska, la mer de Bering, le Grand Nord, le Très Grand Nord et ces mers arctiques que j'ai sillonnées pendant 4 mois. Là-bas, c'est l'Alaska jusqu'à la frontière. Et après ? Après, c'est encore l'Alaska. C'est la dernière frontière. Alors peut-être écoutez un peu de cette expérience immense, écoutez un peu de cette vie ouvrière de Catherine Poulain. On est où ? dans mon carlet, ma cabane de pêche sur l'estuaire. L'estuaire de la Gironde. Sur la rivière, comme nous disions quand nous étions enfants. Au-dessus de l'eau, parce que la marée arrive. La marée est là. Il m'arrive de dormir là. Ouais. Lorsque la marée passe dans mon sommeil, alors parfois elle arrive fort, elle chahute. L'autre fois, c'est un petit murmure, un petit clapotis, rien du tout, comme un petit, c'est pas un clapotis. Elle arrive et elle passe au travers du sommeil comme ça, au travers des rêves. On se réveille au matin, on a l'impression qu'on est lavé. Que la marée vous a traversé, qu'elle vous a... Et elle est repartie. On peut lire un petit passage? Oui. Par exemple, page 37, embarqué. Avec... cette lumière qui est en train de tomber dans le carrelet, dans la cabane. Embarquer, c'est comme épouser le bateau, le temps que tu vas bosser pour lui. T'as plus de vie, t'as plus rien à toi. Tu dois obéissance au skipper, même si c'est un con. Il soupire. Je ne sais pas pourquoi j'y suis venue, il dit encore en hochant la tête. Je ne sais pas ce qui fait que l'on veuille tant souffrir, pour rien au fond. Manquer de tout. De sommeil, de chaleur, d'amour aussi, il ajoute à mi-voix. Jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à haïr le métier, et que malgré tout on en redemande, parce que le reste du monde vous semble fade, vous ennuyant de devenir fou. Qu'on finit par ne plus pouvoir se passer de ça, de cette ivresse, de ce danger, de cette folie, oui. Il rugit presque, puis il se calme. Il y a de plus en plus de campagnes pour décourager les jeunes de la pêche, tu sais. Parce qu'ils ne pourront plus décrocher? Parce que c'est dangereux, surtout. C'est 10 ans, la pêche en Alaska? Oui, j'ai pêché pendant 10 ans, oui. Je voulais aller pêcher, c'était mon... Il y avait une urgence, là. Un ami m'a dit, va à Kodiak. Donc je suis arrivée à Kodiak. C'est la porte de... le départ de tous les... le crab boat, le bateau pour le crabe, c'est quand même le début d'une épopée. De toute façon, c'était l'Alaska. Oui, ben oui. J'ai commencé avec Kodiak. Ouais. Une urgence alors, une urgence d'aller pêcher. Oui. Aller se confronter au sauvage, aller se confronter à l'ultime. Et puis surtout embarquer. Et embarquer, c'est perdre toute sécurité, tout... Il n'y a plus d'échappatoire. C'est être enfin au pied du mur et se confronter enfin à ce grand ventre du monde, ce grand souffle du monde, toutes ces choses qui ne s'expliquent pas. Sur la mer de Bering, la mer de Bering peut être d'un calme exceptionnel, donc on l'appelle aussi la Bering Sea, la mer de l'ennui. Et lorsqu'elle s'énerve, il y a des tempêtes vraiment... Très au-delà de l'échelle de Beaufort. Oui, oui, oui. Les casiers, on a des casiers qui sont énormes, qui pèsent plus de 400 kilos, les plus gros. Et donc ces casiers, ces grosses masses énormes qui sont tirées de l'eau, qu'on remonte avec un cartahu, le treuil hydraulique, il faut bien calculer donc la gîte du bateau pour remonter le casier, pour le redescendre sur son support d'acier, et à ce moment-là qu'il ne balaye pas le pont, et où il risquerait d'y avoir mort d'homme. C'est un... La pêche au crabe, c'est des heures de travail. Donc, pour finir, on travaille un peu de manière mécanique, quoi. Et là aussi, lorsqu'on est épuisé, l'erreur est vite... Et puis, il y a aussi la glace qui prend sur certains navires, les ombres givrants qui... En plein hiver, il y a... Encore beaucoup de naufrages comme ça. Le bateau qui se retourne. Le bateau qui se retourne, c'est... Les gens meurent tout de suite. Souvent, c'est dans le sommeil, donc là, J'ai pêché le crabe sur un bateau qui a fait naufrage quelques années plus tard. Ça fait un drôle d'effet de se dire qu'on aurait pu être dessus et de penser aux potes aussi qui sont partis, quoi. Mais on est mort d'homme aussi sur le bateau lorsqu'on pêchait le crabe. Un gars qui est tombé à l'eau, qui s'est noyé. Vous, vous avez vu la mort, vous-même, de lui faire face, vraiment, que là, ouh, là, c'est la fin. Oh, parfois, oui. Oui. Je partais pêcher, là, on partait de Sitka avec ces gars, on partait pêcher à Cordova pour une ouverture de morue noire. Et là, le gars, il avait plus toute sa tête. Je m'en suis rendu compte après. Il avait eu un accident, donc il oubliait tout. On a vu des tempêtes, c'était horrible. Il avait plus d'huile. Il a mis de l'huile hydraulique pour changer l'huile moteur. On a fini par mettre même de l'huile de friture. Enfin, c'était fou. Et un soir, on s'est pris vraiment une mauvaise tempête. Et là, je me suis dit, ben, ça y est. C'est étonnant, cette espèce de... Oui, là, j'étais persuadée que... Comment ça se passe, un sommeil de marin? C'est un demi-sommeil. On n'est jamais... Oui. Ou alors, on tombe. On peut dormir sur le pont. De temps en temps, on se couche sur le pont, on s'en cirait, puis on dort quelques 20 minutes, ou 10 minutes, ou même 5 minutes. Mais on a un instinct en même temps qui vous fait vous réveiller à chaque changement de régime du moteur. Mais... Et j'aimais cet état d'instinct justement parce que c'était vraiment faire partie du bateau. C'était être avec, faire corps. Et on est dans l'urgence et on sait que... Ce que j'aimais aussi beaucoup sur les bateaux, c'est qu'il faut sortir de soi-même. Il ne faut plus penser au personnel. Vanita Conti disait cette très belle phrase... Choisir, c'est sacrifier la mer, les livres. L'important est de ne pas penser à soi, de ne jamais retourner à soi. Et en embarquant, il ne faut pas retourner à soi, il ne faut pas penser à soi. Il faut penser au bateau et à la mission qu'on a de pêche. Et c'est aussi un apprentissage du détachement de soi-même. Ça devrait être ça, en fait. Et peu importe le corps, à ce moment-là. Et c'est vrai que retournant... Avec les terriens, j'ai l'impression de retourner aussi dans moi-même et retourner à moi-même. C'est ennuyeux. On vit avec soi-même toute sa vie, on aimerait bien de temps en temps aussi. Il faut aussi penser à autre chose, quoi, parce que... J'ai horreur de la discipline militaire. Et malgré tout, parfois je me disais que c'était de la discipline militaire que je m'imposais en désirant embarquer. Je me disais, oui, mais ça m'apprend quelque chose. Ça m'apprend ma liberté. Ça m'apprend ma liberté intérieure. Tout est dedans. Ça m'apprenait une force, oui, que je ne connaissais pas. Une solitude. Et cette force qu'il faut trouver dans la solitude. Une forme d'unité aussi? Oh oui. Je pense que c'est ça que j'ai... C'était la plus belle des choses. Alors, par l'épuisement, on atteint ce stade de... cette espèce de volupté et cette espèce de... avec les gars aussi, on peut se disputer de manière terrible, on peut pousser des gueulantes incroyables, parce qu'on est épuisé, parce qu'on crie après l'urgence, parce que... Mais lorsqu'on se retrouve épuisés les uns à côté des autres, tout d'un coup, on est unis, on est une seule famille. Et ça aussi, je ne l'ai trouvé que sur les bateaux, suite à l'effort violent aussi. Certains diront que c'est les endomorphines, peut-être. Mais c'est aussi plus que ça. Il y a aussi l'unité que l'on a à se retrouver entre ciel et mer et dans le ventre porté dans le ventre d'un bateau. La trépidation du moteur la nuit qui vous berce et qui vous endort, mais on se retrouve comme presque comme un enfant là, dans le ventre du bateau qui lui est dans le pas dans le ventre de la mer, il vaut mieux pas, mais enfin au-dessus de, dans ce grand souffle, donc on est vraiment dedans, on fait partie d'un équipage, d'un travail, d'une mission, c'est-à-dire les lignes qu'il faut ramener, cette ligne qui est notre seul but dans la vie, le temps de la pêche. En mer, on est vraiment dedans. On fait partie d'eux. Alors y aller. Aller dedans, vraiment, et descendre dans un sous-marin et retrouver Christelle Ferrati, médecin psychologue de la Marine nationale. Longtemps partie sur le Jeanne d'Arc, le Sirocco, sur une frégate légère furtive dont elle était le médecin-major, Christelle Ferrati recueille les récits de bord. Et elle écrit sur la nostalgie, sur le désir fort et douloureux de rentrer chez soi, sur le sentiment océanique, sur la nécessité de naviguer qui pourrait être plus importante que de vivre. Et puis revenir, repartir, revenir, repartir, revenir, repartir. Alors vous avez aussi écrit sur les récits de marins et la littérature. Par exemple, si on parle d'Ulysse, oui, c'est un peu un marin facile, non ? Ah, c'est un marin qui rencontre beaucoup de femmes sur sa route, mais des femmes aux multiples visages, aux multiples facettes. Et donc c'est tout un périple, et finalement Ulysse, qui n'arrive pas à revenir, et qui trouve tout un tas d'embûches sur sa route pour revenir, mais à la fois il rencontre tout un tas d'images maternelles et archaïques. Et c'est comme si quelque part, est-ce qu'il a vraiment envie de rentrer, Ulysse ? Est-ce qu'il a envie de retrouver sa femme dans le réel, ou est-ce qu'il préfère rester avec des images de femmes, à la fois prêtresses, enchanteresses, magiciennes, qui le retiennent, mais finalement, il est bien aussi avec ces femmes-là. Je me souviens de la Jeanne d'Arc, il y avait des sur les passes extérieures, il y avait des endroits où on pouvait s'asseoir. Et on passait de longs, longs moments, là, assis sur les extérieurs, et regarder la mer. Presque un détachement. Ah oui, un détachement. Une espèce de langueur, et puis on se laisse bercer. Oui, un détachement. Une espèce de langueur. Je crois que c'est Melville qui parle de... Quand il arrive au Marquis, ils sortent de leur torpeur. Il y a un petit peu de ça. La vie à bord, elle est très, très, très rythmée. Elle est rythmée par les temps de travail, les temps de repos. Alors c'est assez particulier parce que sur un bateau, on est coupé de la lumière naturelle, on est à la lumière artificielle. Il y a aussi souvent des petites lumières rouges. Et donc on a l'impression vraiment d'être dans un cocon, dans quelque chose de très contenant, un petit peu coupé du monde, comme si c'était dans un milieu parallèle, un petit peu coupé aussi du temps, peut-être comme si le temps s'arrêtait pendant la mission. Et puis il y a la vie en équipage, la vie en collectivité, quelque chose qui entoure, qui enrobe. Et puis le bercement aussi, le bercement de la mer qui rythme tout ça aussi. Ça rappelle quelque chose. Ben oui, ça rappelle quelque chose, oui. Ça rappelle le ventre maternel, la mère-mère, le bercement, oui. Vous partez combien de temps ? Les missions, alors, ça, quand on part, ça dépend du type de mission, ça dépend de la durée des missions. Mais les missions les plus longues, c'est 5-6 mois. Donc, ça fait pratiquement une demi-année d'absence du port base et de la maison. Est-ce que c'est du temps des vivants ? Alors ça, à mon avis, c'est une question assez essentielle. Est-ce que c'est du temps des vivants ? Est-ce que c'est du temps des morts ou d'une une espèce d'espace-temps entre la vie et la mort ? Comme si le temps ne s'écoulait pas, finalement, les navigations. On va, on vient, on part, on revient. J'ai souvenir de marin qui me disait... Quand je reviens à terre, j'ai l'impression que tout recommence à zéro. qu'on repart à zéro, comme si le temps finalement ne s'était pas écoulé. Et il aimait ces périodes d'absence parce qu'il avait l'impression que quand il revenait à la maison, tout reprenait à zéro. Et que finalement, ça donne aussi quelque part une espèce de sentiment d'immortalité, puisque on va, on vient, et puis on reprend. On reprend, comme si on n'avait pas été là pendant ce temps de la navigation. Est-ce que la peur de la mer et de l'océan, c'est une peur terrienne, ou une vision des terriens? Et est-ce que quand on est marin, c'est que ça circule totalement différemment? Je n'ai pas entendu les marins me parler de la peur de mourir en mer. Et vous-même? Non. J'ai pas ressenti cette peur-là. Vas-y, relance un peu le bateau. Est-ce que vous avez eu un moment l'envie de ne pas revenir ou de complètement dérouter? Jamais. Je suis ravie de partir, mais je suis ravie d'arriver. Parce que d'abord, une histoire, il faut qu'elle ait un début, un milieu, une fin. Sinon, c'est pas une histoire. Et puis parce que je vois pas ce que je ferais. J'ai pas de tendance suicidaire. Et je vois pas ce que je ferais à rester sur l'eau tout le temps. Justement, ce qui m'importe, c'est d'aller quelque part. Des fois, je vais pas là où je veux, hein, parce que des fois, ça, c'est pas possible. Enfin, la mer, le vent, tout ça, ça, je suis obligé de changer mon fusil d'épaule, mais c'est pas grave. Mais je connais pas de marin qui n'ait pas envie d'arriver quelque part. Donc non, moi, ça m'est jamais arrivé. Et puis l'arrivée. Bah, il y a l'arrivée ou il y a le retour. L'arrivée, c'est... à la fois c'est la fin de toute cette magie, mais c'est aussi une délivrance, parce que tout ce que je peux vivre de magique, quelque part il y a aussi le contre-pied, le contrepoids, c'est que bah, c'est le manque de sommeil, c'est beaucoup d'efforts physiques, c'est vraiment chercher mes limites, et à un moment donné bien sûr je suis fatiguée, j'en peux plus, et l'arrivée c'est la délivrance, c'est je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir aller me doucher, je vais pouvoir manger des aliments frais, parce que moi j'adore manger frais. Surtout, je vais pouvoir partager avec mes concurrents, comprendre ce qu'ils ont fait, ce que moi j'ai fait, ça va m'aider à comprendre, parce que des fois, est-ce que c'était le bon choix, est-ce qu'on a pris les bons critères, etc. Et donc voilà, l'arrivée c'est tout ça, quoi. Et après le retour, c'est autre chose. Le retour, souvent... c'est après une course. Des fois, le retour, c'est le retour à la maison, mais c'est pas la fin qu'on espérait pour une course. Je me rappelle, par exemple, sur la route de Rome, hein, après mon dématage, je suis rentrée avec mon bateau, qui était bien abîmé. J'avais plus de mât, j'avais plus de chandeliers et de filières autour du bateau. Donc, quand je marchais sur le bateau, c'était un peu comme une planche à voile géante. J'étais en danger en permanence. Et des fois, le retour, c'est dur, quoi. C'est triste, c'est pas ce qu'on veut. À chaque fois que ça se passe pas comme je veux, je sais que derrière, il y a un autre départ et que le prochain départ, il est aussi conditionné par ce que je viens de vivre. Je sais que quelque part, ça va m'aider pour l'étape d'après. Les retours à terre, il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que je descendais du bateau et mes jambes, tout d'un coup, c'était comme des... C'était des ressorts. Il fait que je cours, et je cours, et que je cours. Cette force en moi, même si on pouvait être très, très, très, très fatigué, on avait travaillé des jours et des nuits, on faisait vraiment des rythmes incroyables. Mais cette force vitale, cette force, c'était le plus beau. Et puis courir vers les bars, évidemment, pour retrouver la vie, pour retrouver les frères, pour retrouver la... fête, là, rugir un peu de bonheur avant d'y retourner. Et comme je dis dans Le Grand Marin, comme on a contré son corps, on l'a forcé, ben Il faut le libérer. Il faut qu'il exulte aussi d'une autre manière. Pour après le faire repartir de plus belle. Le dresser malgré tout. Des fois, vous avez eu l'impression de rester trop longtemps à terre. Il y a une expression comme ça. I've stayed on the rock too much. I stayed on the rock too long. Mais c'est, je pense que c'est cette impression que la plupart des pêcheurs, ceux qui aiment pêcher en tout cas, au bout d'un moment on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? À terre, on s'éparpille. Le monde est éparpillé. C'est absolument épuisant, la terre. La mer est épuisante, le travail est épuisant, mais il nous recentre, il nous rassemble. Et il faut repartir justement pour se rassembler, pour se à nouveau retrouver ce. Je crois que toute ma vie j'ai recherché ça, essayer de cette lutte contre l'éparpillement, essayer de ramasser les morceaux, les rassembler et le moment de l'expulsion, comment ça s'est passé? Vous étiez au courant ou... Alors, nous étions en pêche. Je pêchais le flétan avec un équipage absolument extraordinaire. Un très beau bateau, l'Atlantico, un bateau pour le crabe. C'était la première fois de ma vie. Je pense que j'avais vraiment... j'allais faire vraiment de l'argent. De manière... Mais en même temps, un équipage de gars qui était solide et qui, en même temps, était... C'était merveilleux. J'ai découvert quelque chose et le patron m'a dit... Tu as fait tes preuves, après je te rembourserai. Et je me fais arrêter, donc on délivrait notre flétan, on devait repartir pour un voyage. Et là, un trooper m'a arrêté, donc j'ai essayé de me jeter à l'eau, mais la mare était basse, donc je me suis arrêtée au dernier moment. Et, enfin bref, ça a été quelque chose d'assez terrible, mais je me suis battue. Ils m'ont eu quand même. Et j'ai été donc emprisonnée une semaine. Cette expulsion, c'était comme une guillotine qui tombait, d'une certaine manière. On sait qu'il y a un avant et un après. Et je rêve de temps en temps que je réembarque, que je vais réembarquer et que je repartirai. Je dois repartir en mer. Je voudrais reprendre le large, là. Je voudrais reprendre le large. J'ose pas dire de peur que ça porte malheur. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska. Mais y arriver à quoi bon? J'ai fait mon sac. C'est la nuit. Un jour, je quitte Manosque les plateaux, Manosque les couteaux. C'est février. Les bars ne désemplissent pas. La fumée et la bière, je pars. Le bout du monde, sur la grande bleue. Vers le cristal et le péril, je pars. Je ne veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue, de malheur. Je pars. Tu es folle. Il se moque. Il se moque toujours. Toute seule sur des bateaux avec des hordes d'hommes, tu es folle. Il rit. Riez, riez, buvez, défoncez-vous. Mourrez si vous voulez. Pas moi. Je pars pêcher en Alaska. Salut. Ne faire qu'un avec le grand large. Un documentaire d'Aline Pénito et Gilles Mardi-Rossian. Avec Isabelle Jochke, Alain Gauthier, Isabelle Autissier, Catherine Coulin, Christelle Ferrati. Prise de son, Martin Traudec. Mixage confiné, Régis Nicolas. Remerciements à la Cité de la Voile, Éric Tabarly. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au milieu de l'océan, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, Est-elle ou l'attraction du bord de mer? Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.